الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسلم علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة. آمين آمين آمين. Donc nous étions arrivés la dernière fois, donc on était en train de parler des annulatifs du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Nous en avions cité un certain nombre, je vais reprendre ce qui a été dit dans le cours dernier vu que pas beaucoup de monde était là. Donc je vais rappeler un certain nombre de choses qui font partie des annulatifs du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement. Quiconque fait l'un d'entre eux sortira de l'islam. Fasad, kuru, yanibar, yanibar, al-umur, al-latin. تناقض أو تنقض توحيد الله سبحانه وتعالى في حكمه، فمن اقترف واحدة منها فقد خرج من الإسلام ودخل في الشرك والكفر، أعاذني الله وإياكم منها. Donc le cinquième point ou le sixième point. سادسا الإباء عن قبول الفرائض أي الامتناع عن التزام حكم الله بالإجاب وهو رفض حكم الله بالإيجاب رجوعا إلى شريعة أخرى أو من غير رجوع كمانع الزكاة. أي أن الإنسان يمتنع من قبول حكم من التزام حكم الله سبحانه وتعالى. أي أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أمرا فهو لا يلتزم هذا الأمر هذا الواجب الشرعي بل يرفضه ولا يقبله. إما لأنه يرجع إلى شريعة أخرى تحرم ما يعني تحل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى تحرم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو تحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى أو لأنه أو من غير الرجوع إلى شريعة أخرى كمانع الزكاة رفضوا التزام أمر الله وإجاب الزكاة عليهم وقالوا بأن الزكاة كانت واجبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فليست واجبة فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وقاتلهم الصحابة حتى يعني أوقف الصديق رضي الله عنه هذه الفتنة وهي فتنة إباء قبول الفرائض. Donc là, le sixième point, le refus d'accepter les obligations. C'est-à-dire refuser d'adhérer au jugement d'Allah lorsqu'il prescrit une chose. Donc Allah a rendu obligatoire une chose, la personne se refuse d'accepter cette obligation. Soit parce qu'elle revient à une autre législation qui, elle remet en cause ce qu'Allah a dit. Donc lui, il accepte cette législation, mais il n'accepte pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit sans revenir à aucune législation, mais de lui-même il ne veut pas accepter. De lui-même il ne veut pas accepter. Par exemple, comme mani al-zakat, ceux qui ont refusé de payer la zakat à l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu. Ces gens-là, Abu Bakr, ils ont dit quoi? La zakat était obligatoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire une aumône qui est la zakat ici, par lesquelles tu les purifieras et watuzakihim, wasalli alayhim et prie sur eux, c'est-à-dire demande à Allah de les évoquer en bien dans les grandes assemblées auprès de lui. Eux ils ont dit ça c'était juste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant le prophète il est mort, on n'a pas à vous donner la zakat. Et Abu Bakr les a combattus, les sahaba les ont combattus. Et il y avait ces gens-là qui étaient bannis à Zakat, et d'autres qui ont apostasié, d'autres, donc ils ont cru en d'autres messagers, en d'autres prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Abu Bakr les a combattus, jusqu'à ce que cette fitna s'arrête. Et on voit comment Abu Bakr il était intelligent, et que cette intelligence lui venait de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ba'atha Usama. Ou s'il avait envoyé Oussama ibn Zayd à la tête d'une armée pour aller combattre les Romains. Et lorsque le prophète il est mort, Oussama n'était pas encore parti. Et les sahabes, certains, ils ont dit à Abu Bakr, est-ce que tu vas envoyer quand même cette expédition alors que nous sommes encerclés par les apostats? Mais il a été encerclé par les apostats qui ont voulu l'attaquer. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas envoyer Oussama alors que Médine est encerclée en ce moment? Il leur a dit, wallahi, que même si les femmes, même si les mères des croyants étaient tirées par des chiens, étaient traînées par des chiens dans les rues de Médine, je n'empêcherai pas une expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée de partir et accomplir sa mission. Regardez ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a envoyé son armée, cette expédition, ils sont passés. Les apostats, ils étaient loin, ils les ont vus. Et les apostats, ils ont regardé, ils ont dit, subhanallah. Bon, ils n'ont pas dit subhanallah, on se comprend. Ils ont dit, si Abu Bakr, il a envoyé cette armée-là pour combattre des Romains, alors qu'on est en train de les encercler. Donc le nombre d'hommes qui restent derrière, ils sont encore plus grands. Ils sont partis. Et ça, c'est le bienfait d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, à côté de la raison humaine ici, elle va te dire quoi? Non, il ne faut pas faire ça. L'intérêt, le maslaha et tout ça. Mais ici, le prophète, sans se leur donner une chose, Abu Bakr, il n'a pas réfléchi. Alors, le prophète a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Sabi'an al-ta'amu fi hikmati tashri'a. Le septième annulatif du tawhid dans le jugement. Donc, al-ta'amu fi hikmati tashri'a, de dénigrer la sagesse, de dénigrer la sagesse dans les jinn. Inch'Allah, l'ikhwa barakallahu fikum. Je rappelle juste une chose générale, inch'Allah. Certains salafs, lorsqu'ils étaient à des assemblées de science, regardez comment ils faisaient avec leur stylo. Ils faisaient tout doucement, ils prenaient leurs feuilles, ils les prenaient, ils tournaient tout doucement pour pas que ça s'entende. Il faut faire attention. Ce genre de comportement, certains vont te dire, oui, mais oh, c'est abusé, je viens pour apprendre. Mais wallah, qu'il y ait une baraka dans la science de ces gens-là. Leurs feuilles, ils les tournaient tout doucement pour pas que le professeur les entende. Leur stylo aussi, tout doucement. Donc là, dénigrer la sagesse des législations. C'est-à-dire Allah a ordonné des choses, a permis des choses, a interdit des choses, mais la personne elle dénigre ça. Elle le remet en cause. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله إن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله مشركون بالله إن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله مشركون بالله. ثم سرد رحمه الله الآيات المبينة لذلك إلى أن قال وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم أي أن كفر هؤلاء الذين يتبعون ويتخذون القوانين الوضعية يتخذون قوانين وضعية بدلا عن أحكام الشريعة ويحكمون بها ويطبقونها في البلاد ويفرضونها على العباد كفر هؤلاء لا يشك فيه إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. Donc le sixième, pour le septième point, dénigrer la sagesse des législations. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été prononcé. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et certes, ceci est du fisq. Le fisq, qu'est-ce que c'est? وَالْخُرُوجُ أَوْ تَجَاوُزُ حُدُودِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. La perversion, c'est d'outrepasser les limites qu'Allah a fixées. La perversion, c'est pas tout le temps, ça n'a pas tout le temps une connotation comme on l'entend aujourd'hui. La perversion consiste à outrepasser les limites qu'Allah a fixées. Donc, manger des bêtes sur lesquelles autre que le nom d'Allah a été cité est une perversion. Et les shayatin, les démons, inspirent à leurs alliés afin qu'ils polémiquent avec vous. Mais si vous leur obéissez, vous serez certes des associateurs. La cause de révélation de ce verset, c'est quoi? C'est que les mouchriquins sont venus voir les sahaba et ils leur ont dit « Ma al-meyta, man illadhi dhabahaha ?» قال والله. Ils leur ont dit la bête morte. Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Ils leur ont dit ça, Allah. Et les mouchikoun leur ont dit ce qu'Allah a sacrifié haram, et ce que vous, vous sacrifiez halal. C'est-à-dire que la bête morte, vous n'avez pas le droit de la manger. Bien que ce n'est pas vous qui l'avez sacrifiée en réalité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu sa mort. Mais de l'autre côté, ce que vous, vous sacrifiez de vos propres mains est halal. Donc ils ont apporté cette ambiguïté là aux sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Et ne mangez pas des bêtes. N'écoutez pas leurs ambiguïtés. Ne mangez pas des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été évoqué. Et ceci est de la perversion. Et les démons, les shayatines, aspirent à leurs alliés afin qu'ils polémiquent avec vous. Et si vous leur obéissez, vous serez certes des associateurs. Si vous leur obéissez en mangeant des bêtes mortes tout en croyant qu'elles soient halal, parce que vous remettez en cause la législation, la sagesse derrière l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez alors certes des associateurs. Puis le cheikh cite une autre parole qui est la parole de l'imam de la mine de Shankriti, rahimahullah ta'ala. Il dit en commentaire de ce verset: ceux qui veulent les lois des législateurs et délaissent ce qu'Allah a légiféré sont des mushrikoun billah, sont des associateurs. Ceux qui veulent, qui font prévaloir, qui préfèrent les lois des hommes, les lois des législateurs qu'Allah n'a pas légiféré, c'est-à-dire ce que les gens légifèrent et qu'Allah n'a pas établi, ceux qui font prévaloir ces lois-là devant ce qu'Allah a légiféré sont des associateurs, des polythéistes. Puis il cita tous les versets qui le montrent, il a cité un ensemble de versets qui montrent ce point-là, jusqu'à ce qu'ils disent, écoutez bien, parce que ce n'est pas simple ce jeu-là. « Ash-shirk fi kufri hawlai at-tawarid kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. » Doutez de la mécréance de ces tawarid aujourd'hui, des gouverneurs arabes qui ont légiféré, qui ont changé la loi d'Allah, et de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas... Regardez ce qu'il va dire l'ami Shankriti. Il dit, à travers ces textes célestes, que nous avons cité, ces textes qui nous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons cité, il apparaît de la plus claire des manières que ceux qui suivent les lois forgées par les hommes, que le shaitan a légiféré par le biais de ses alliés, et qui sont contraires à ce qu'Allah a légiféré par le biais de ses messagers, que ne doute de que ce sont des mécréants et associateurs, que celui à qui Allah a retiré la clairvoyance et l'a aveuglé de la lumière de la révélation comme eux. Ne doute de la mécréance de ces gens, ne doute de la mécréance de ces gens qui ont préféré les lois des hommes face à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont imposé les lois des hommes, et qui ont combattu toute personne qui leur demande de ne pas appliquer la loi des hommes. Et dans ces lois-là, ils permettent même l'apostasie. Même l'apostasie, comment on appelle l'apostasie dans nos pays? La liberté de culte, la liberté d'expression. Naam, ça a des beaux noms. Comme le vin, on appelle ça comment? L'eau de vie. Ben, l'apostasie, on l'appelle comment? La liberté de culte, la liberté de s'exprimer est garantie à tout citoyen. Ces gens, Allah a interdit d'apostasier, eux ils permettent d'apostasier. Ces gens se sont mis à l'égal de qui? Ils se sont mis à l'égal de qui? À l'égal de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne doute de la mécréance de ces gens-là, comme il dit l'ami Shafi'i et rahimahullah ta'ala, que celui à qui Allah a voilé la clairvoyance et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a retiré la clairvoyance, c'est-à-dire qu'il ne voit plus clair. Il ne voit plus les choses comme il devrait les voir, comme devrait les voir le croyant. Il l'a aveuglé de la lumière de la révélation, comme eux, ces gens-là, ont été aveuglés. Lui aussi, il a été aveuglé. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Ils vont te dire, il y a un khilaf entre les ulama. Quel khilaf y a-t-il sur le coffre de celui qui se met à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel khilaf y a-t-il sur celui qui permet l'apostasie? Ou celui qui se met à l'égard d'Allah et qui permet ce qu'Allah interdit? Et qui impose cette législation et combat toute personne qui se remet en cause cette législation? Quel khilaf y a-t-il? Ibn Abbas radiallahu anhu, qala kufrun duna kufr fi haoulay tawamit. Ibn Abbas, il a parlé de kufr mineur sur ces gens-là aujourd'hui. Ibn Abbas, il a vu des gens qui se sont mis à l'égard d'Allah et qui ont permis l'apostasie. Il les a vus, ces gens. Wallah, ces gens-là sont des menteurs, sont des criminels et des menteurs, les mauvais savants aujourd'hui qui falsifient la religion d'Allah et qui font croire aux gens qu'Ibn Abbas a dit sur les gouverneurs d'aujourd'hui que ce qu'ils font est de la mécréance mineure. C'est pas de la mécréance majeure, ça fait pas sortir de l'islam. Puis le Cheikh Abdelmajid al-Shadouli, يقول حفظه الله تعالى ورعاه: إن منازعة الله الحكم تخرج المنازعة من دين الله فهو حكم معلوم من الدين بالضرورة. Il dit, disputer Allah dans son hukm, dans son droit de légiférer et dans son commandement exclut celui qui en est coupable de la religion d'Allah. Et ce statut est connu par nécessité dans la religion d'Allah. Celui qui dispute Allah dans un droit qui lui appartient lui seul, celui-ci sort de la religion d'Allah. Parce que veut dire la religion? C'est la soumission. Celui qui se met à l'égard d'Allah et s'est soumis à Allah. من نازع الله سبحانه وتعالى هل انقاد لله واستسلم لا له ما استسلم لا لله ما استسلم لله سبحانه وتعالى من جعل نفسه ندا لله ونازع الله في حقه الخالص وهو التحليل والتحريم. على سيد الشيخ دي وكذلك نعم لأنها تخرجه من عبادة الله وحده وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعا وكذلك الذين يقرون المنازع في ادعائه ويدينون له بالطاعة وقلوبهم غير منكرة لاغتصاب سلطان الله وخصائصه فكلهم سواء في ميزان الله. Donc le cheikh explique pourquoi cette personne sort de l'islam. Il dit car cette dispute, ce qu'il fait lorsqu'il dispute le droit d'Allah. Car cette dispute l'exclut de l'adoration d'Allah seul. Il n'adore plus Allah seul. Pourquoi? Parce qu'il a disputé Allah subhanahu wa ta'ala. Il a essayé de s'ériger en égal à Allah. Donc, il ne s'est pas soumis à Allah. Ce qui représente le shirk qui exclut ceux qui en sont coupables de la religion d'Allah avec certitude. Et dans ce même cas, et ça c'est dangereux aussi, entre ceux qui approuvent ce criminel lorsqu'il s'est accaparé le droit d'Allah. Et s'y soumettent par leur obéissance sans que leur cœur ne désapprouve le fait qu'ils se soient accaparé le pouvoir d'Allah et sa spécificité. Tous ceux-là ont le même statut et sont égaux dans la balance, dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ceux qui ne voient aucun mal à ce qui se passe aujourd'hui. Ils te disent c'est normal. Après tout, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce qu'on peut vivre? On n'a pas le choix. Ils ne voient aucun mal aujourd'hui. Beaucoup de gens sont des laïcs aujourd'hui, malheureusement. Et ils disent là, il est normal, ils sont laïcs en réalité quand tu rentres dans le vif du sujet. L'application de la charia, ça ne leur traverse même pas l'esprit. On ne parle pas d'appliquer la charia en termes de kufr, parce que les peines ne sont pas appliquées en termes de kufr. Nous, on ne demande pas l'application de la charia ici, mais on demande que les terres où la charia a été appliquée, qu'elles soient à nouveau appliquées. Le huitième annulatif, يقول الاستهزاء الاستهزاء يقول تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء فكيف بما هو أغلظ من ذلك كلاما منقولا من الصارم المسلول الصفحة 33. Donc le huitième annulatif, c'est la moquerie de la religion. Se moquer de la religion d'Allah, se moquer de la loi d'Allah, annule l'acceptation que le seul qui détermine, le seul qui a le pouvoir de commandement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'accepter qu'Allah est le seul qui a le pouvoir de commandement et unifier Allah dans son jugement ne veut pas dire simplement savoir qu'Allah est le seul qui mérite de juger, de légiférer. Non, tu dois aussi te soumettre à ça et aimer cette législation. Or, la moquerie s'oppose à la législation. Falistilza يناقض الاستهزاء يناقض حب شريعة الله شريعة الله سبحانه وتعالى فمن استهزأ فمن لم يحب الله وشرعه كما أمر الله سبحانه وتعالى به فلا يجتمع الاستهزاء والحب في قلب رجل واحد هذا من المستحيل. Donc le huitième annulatif, la moquerie, la preuve est la parole d'Allah, et si tu les questionnes, ils te diront, nous ne faisions que blaguer, que nous amuser, plaisanter. Guise d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas car vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à une certaine partie d'entre vous, nous en châtirons d'autres car c'étaient des criminels. Donc ces gens-là, après que ces gens aient dénigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants parmi ses compagnons et méprisèrent ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah informa qu'ils mécrurent par leurs agissements même s'ils ne faisaient que se moquer. Qu'en serait-il donc d'une situation encore plus grave que celle-ci? C'est-à-dire de celui qui le dit en le pensant véritablement. Ibn Taymiyyah parle de ce que je viens de citer sur les paroles d'Ibn Taymiyyah dans son livre Salim al-Masloul, l'épée tranchée à la châtiment de Rasoul sur celui qui insulte le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah a écrit ce livre après qu'un chrétien ait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en terre d'islam, et que certains avaient mis des ambiguïtés quant au fait que cette personne ne méritait pas la peine capitale. Et il a écrit tout son livre pour justement par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici Ibn Taymiyyah parle de gens qui se sont moqués du prophète et des compagnons. Ils ont dit: on n'a jamais vu des gens qui avaient un plus gros ventre que cela. Il parlait du prophète et des compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: nous avons ma ra'ayna mithla ha'oulaï akbar butunan wa la ajbana 'inda al-liqa wa la akdhuba al-sunan. On n'a jamais vu de gens qui étaient plus lâches au combat, qui avaient des plus gros ventres et qui mentaient plus que ces gens-là. Il parlait du prophète et des compagnons. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets. Ils faisaient que se blaguer, en fait, ils n'y croyaient pas à ça. Allah a révélé ces versets-là. Dis à Allah, si tu les questionnes, ils te diront: nous ne faisions que blaguer, que plaisanter et nous amuser. Dis à Allah, de son messager et de ces versets dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas car vous avez bel et bien écrit après avoir eu la foi. Et certains ulama, ils ont dit que ces sahaba, ils ne se moquaient que ces gens-là, ils ne se moquaient que des compagnons, ils ne se sont pas moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, regardez ce qui a été révélé, qu'Allah nous préserve. La moquerie de la religion est une chose qui est très très dangereuse. Très très dangereuse. La moindre chose qui fait partie de la religion, il ne faut pas la toucher de près ou de loin dans nos plaisanteries. Et c'est pour ça, regardez dans surat al-Baqarah. Wa idh qala Musa li qawmihi inna Allaha ya'murukum an tattakhidhu an tadhbahu baqara. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque Moussa dit à son peuple: ô mon peuple, Allah, lorsque Moussa dit à son peuple, certes Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Qalu atattakhiduna huzuwa. Dis, est-ce que tu plaisantes avec nous? Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Il a dit qu'Allah me préserve, je demande protection auprès d'Allah d'être du nombre des ignorants. Faqala ahlul ilm, donc les gens de science, ils ont dit quoi? Ils ont dit le fait de blaguer. De parler de la religion en s'amusant ou de citer des ahkam shar'i en s'amusant, c'est l'ignorance et c'est interdit. Faut jamais blaguer sur ça. La religion, tu la laisses de côté et les blagues, c'est autre chose. Les sahabas, ils s'amusaient entre eux, mais il y avait jamais la notion de la religion dedans. Al-Naqid al-Tasi' al-Istighfaf. Le neuvième annulatif, le mépris. Yaqulu Sheikh Islam rahimahullah, وروى أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية، أي خطب امرأة يتزوجها، فلم يزوجوه، فأتاه وعليه حلة، فقال: إن رسول الله، أي أتاه بعد إسلامه، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار. قال: فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc le mépris, Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, Abu Ahmad ibn Adi dans son livre Al-Kamil cite, selon Ibn Murayda, selon son père, il dit: l'une des tribus de Banu Layth vivait à 2 miles, donc ça fait 2,6 km à peu près, vivait à 2 miles des tribus de Médine. Et ils avaient refusé de marier l'une de leurs femmes à un homme lors de la Jahiliya, avant l'islam. Quelqu'un était venu pour se marier, ils lui ont dit: non, on ne veut pas te marier. Cet homme, après l'islam, se présenta un jour, habillé, donc il se présenta un jour à eux, et il dit: le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a donné cet habit, il avait un habit avec lui, pour m'en habiller, donc il me l'a donné pour que je le porte, et m'a ordonné de juger dans les disputes qui concernent vos biens et votre sang, c'est-à-dire si jamais l'un d'entre vous frappe l'autre, l'un d'entre vous tue l'autre. Puis il s'en alla et a été chez la femme qu'il aimait, la femme avec qui il voulait se marier. Donc il est venu comme si c'était sa femme et qu'il a le droit de faire tout ce qu'il est en train de faire. Et les gens ont alors prévenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: cet ennemi d'Allah a menti. Cet ennemi d'Allah a menti. Puis il envoya un homme lui disant: si tu le trouves vivant, bien que je ne pense pas que tu le trouveras vivant, coupe-lui alors la tête. Et si tu le trouves mort, brûle-le. Et il dit, celui qui rapporte ce texte: ceci est le sens de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: quiconque profère sur moi un mensonge volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu. Puis Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: il est à savoir que proférer volontairement des mensonges à son encontre sallallahu alayhi wa sallam est une moquerie et un mépris, car il prétendait que des choses lui furent ordonnées alors que ce n'est pas le cas. Il se peut même que ces choses ne peuvent pas être ordonnées. Il se peut que ces choses-là ne peuvent pas être ordonnées, car c'est des choses que la charia ne vient jamais ordonner. Et il se peut même que ces choses ne peuvent en aucun cas être ordonnées, ce qui est une manière d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de bêtises, d'ordonner des choses qui sont mauvaises et de ne pas savoir ce qui est véritablement utile aux gens. Ou encore qu'il informe des choses qui sont fausses. Donc lorsque la personne vient et mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il informe de choses qui sont fausses dans la charia, ce qui revient à accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afwan. Ou il se peut qu'il informe au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam de choses qui sont fausses, ce qui revient à accuser le prophète de quoi? De menteur. Et ceci est une mécréance claire qu'Allah nous en préserve. Les références sont Salim al-Masoul, volume page 175-176. Juste une dernière chose. أن يقرأ الكلام باللغة العربية. قال: فذلك قولنا. ثم قال: يقول ابن تيمية: فإن تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم استهزاء به واستخفافا، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها، وهذه نسبة له إلى السفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذه نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح، وهو كفر صريح. انتهى كلامه رحمه الله من الصالح المسلول، الصفحة 75 بعد المئة الأولى، من الصفحة 76 بعد المئة الأولى. Donc on voit ici celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en changeant la charia d'Allah, en permettant ce qu'Allah a interdit, en interdisant ce qu'Allah a permis, la khilaf bayna ahli al-ilm annahu kafir. Il n'y a aucune divergence entre les savants qui les mécréants. Parce que c'est une manière de mépriser la religion d'Allah. Donc il faut faire très très attention. Combien sont nombreux les gens qui agissent de la sorte et qui se permettent de parler sur la religion d'Allah sans aucune science, falsifiant la religion d'Allah, permettant ce qu'Allah a interdit, interdisant ce qu'Allah a permis, méprisant la charia, se moquant de la charia. عفاني الله وإياكم وجزاكم الله خيرا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.